L'espoir d'une mélo à venir. La mort claire n'est l'avenir. La mort claire n'est l'avenir et l'inversion. Inversion nel pensier. Inversion de monnaie qui redit tout. Plus à plus le grand intérêt compose. Attention à la réflexion de l'analyse de l'inversion. Si c'est le cas, ben en la cime et acheter dans l'abysme. Concret la plus-value de l'intérêt compose et réinvers la ganance. Projet le valor présent de vos inversions et confie en vos connaissements. Je m'a permis que s'impose sa connaissement. Je m'a permis que s'impose. Je m'a permis que s'impose sa sabiduría. Mose sa capacité que le monde regarde lo que vous dit. Lo que vous avez. Améliorer vos capacités d'aujourd'hui et de demain. Et pas oublier que vous finissez à former tout, vous cherchez l'expérience. Que vous obtenez la maturité. Vous cherchez l'hérédité. Appose pour un meilleur présent et encore plus un meilleur avenir. Jules César, les cavaliers. Messique.